quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire des dictatures. Aujourd'hui, y a-t-il un lien entre ces dictatures et les questions démographiques ? Pour la dernière étape de notre semaine consacrée à l'histoire des dictatures, nous nous intéressons ce jeudi aux rapports complexes que celles-ci ont établis avec la question, ou ce qu'elles pouvaient appeler parfois, le problème démographique. Les dictatures des années 30 avaient-elles une vision de la démographie différente des démocraties européennes voisines ? Les injonctions natalistes du franquisme ou du régime de Vichy ont-elles eu un effet réel sur la démographie de ces pays à cette époque-là ? Quel sort le stalinisme a-t-il réservé aux questions démographiques ? Pourquoi le Portugal de Salazar a-t-il perdu des habitants entre 1960 et 1970. C'est ce que nous verrons avec Victor Massé-Dépinay de la Fabrique de l'Histoire et nos trois invités, Martine Mespoulet, Paul-André Rosenthal et Victor Pereira. Paul-André Rosenthal est professeur à Sciences Po, il est chercheur associé à l'Institut National d'Études Démographiques, à l'INED. Victor Pereira est docteur en histoire à l'Institut d'Études Politiques de Paris, il est maître de conférences à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, il est spécialiste de l'émigration portugaise en particulier et auteur d'un livre La dictature de Salazar face à l'émigration aux presses de Sciences Po. Et Martine Mespoulet est professeur de sociologie à l'Université de Nantes. Elle est spécialiste de l'URSS et auteur, entre autres, du Construire le socialisme par les chiffres, enquête et recensement en URSS de 1917 à 1991 à l'Institut national d'études démographiques. Elle sera en direct des studios de Radio France à Nantes, tandis que Victor Pereira sera en direct des studios de Radio France à Pau. Bonjour Victor Massé-Dépinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous, Martine Mespoulet, en direct de Nantes. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Victor Pereira. Bonjour. Et bonjour à vous, Paul-André Rosenthal, vous êtes en studio à Paris avec nous. Alors, Paul-André Rosenthal, d'abord posons-nous une question simple. On sait ce qu'a été, en particulier pour les pays belligérants, la fameuse saignée de la guerre de 14-18 et les questions démographiques qui étaient liées à cette saignée, les questions autour de la natalité, des classes creuses, etc. Est-ce que ces questions ont touché uniformément tous les pays européens belligérants dans les années 1920-1930, Paul-André Rosenthal ? Alors, effectivement, ces années de l'entre-deux-guerres ont subi dans un grand nombre de pays le choc de la Première Guerre mondiale, donc un choc instantané mais extrêmement violent, et bien évidemment. Mais ce choc est venu, son impact est venu, a été doublé par une tendance beaucoup plus profonde et un peu plus ancienne pour la plupart d'entre eux, qui était une tendance à la dénatalité. Mmh. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que dans les années 20 et 30, ces deux chocs se rencontrent. Donc une tendance à la dénatalité qui précède le choc de la Première Guerre mondiale, c'est ce que vous voulez dire ? Qui la précède parfois de manière très très ancienne dans le cas de la France, mais dans le cas des autres pays européens, disons que c'est un mouvement qu'on enregistre plus tard, pour simplifier, à partir de la fin du 19e siècle. Et la conjonction des deux chocs est telle dans l'entre-deux-guerres qu'elle va jusqu'à convertir à la crainte de la dévitalisation démographique des pays qui jusque-là étaient dits malthusiens, mmh. en particulier évidemment le Royaume-Uni, qui avait produit le pasteur Malthus. Et la thèse du malthusianisme. Voilà, qui était plutôt farouchement opposé à un excès de naissance. Et même les Anglais, on peut dire, ont fini par se convertir dans les années 20 et 30 à ce qu'un livre publié il y a 30 ans... disait la peur du déclin démographique. Mmh. Donc ça veut dire que cette question de la peur du déclin démographique touche à peu près uniformément tous les pays européens dans cette période des années 20 et des années 30, Paul-André Rosenthal ? Alors, ce qui est intéressant ensuite, c'est que sur ce fond qui est, par certains aspects communs, la grande différence d'un pays à l'autre va se faire en fonction de facteurs politiques. Mmh. Et en particulier avec le facteur qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui de la frontière entre démocratie, régimes dictatoriaux, qui peuvent être dans certains cas totalitaires, mm-hmm. Dans d'autres cas, par exemple pour beaucoup de pays d'Europe centrale, autoritaires. Et donc, en fonction de ces tendances politiques, de ces régimes politiques, la perception du choc va être très différente. Alors, prenons par exemple l'exemple qui vous intéresse et que, sur lequel vous travaillez depuis longtemps, Martine Mespoulet. Martine Mespoulet, vous êtes spécialiste de l'URSS. Voilà un pays qui naît dans le choc de la Première Guerre mondiale en 1917 avec la révolution soviétique. Y a-t-il une réponse ? Est-ce une question, même cette question démographique, qui touche les premiers responsables de l'Union soviétique et Lénine en tête dès le début de la révolution soviétique ? En fait, ce qui touche beaucoup plus le nouveau gouvernement bolchevique dès sa mise en place, c'est la question de la famille. La Première Guerre mondiale, a provoqué une saignée comme partout ailleurs, une très grande désorganisation. Mais l'arrivée des bolcheviques au pouvoir, se symbolise par la construction d'un projet politique. Et au cœur de ce projet politique, il y a notamment la considération de la famille comme cellule de base de construction du communisme. Mmh. Et donc, il y a le premier décret sur la famille date de décembre 1917, donc très vite après l'arrivée des bolcheviks au pouvoir. Un code de la famille est élaboré en 1918. C'est le plus novateur à l'époque à l'échelle internationale. Et donc, en fait, cela va produire une diminution des naissances, une forte baisse des naissances, parce qu'il y a une très grande liberté qui est donnée aux femmes, notamment, de se mettre en couple ou pas. Il y a le divorce à la carte qui est instauré, c'est-à-dire qu'on peut divorcer en envoyant juste une carte postale au service d'État civil de son quartier, sans même prévenir son conjoint ou sa conjointe. Donc en fait, ce qui va après marquer le début des années 20, c'est un éclatement quand même de la famille. Et donc, si vous voulez, par rapport à cela, il n'y a pas de réaction immédiate. Les réactions en termes de politique démographique vont apparaître à la fin des années 20. Mais c'est-à-dire un peu plus tard, et on y viendra dans un instant avec vous. Et puisque nous avons notre troisième invité, qui est Victor Pereira, en duplex depuis les studios de Radio France à Pau, que vous êtes spécialiste de la dictature de Salazar. Voilà un homme qui arrive au pouvoir progressivement à partir de la fin des années 20, dans un Portugal qui est en difficulté financière en particulier. Voilà un professeur d'économie, je crois, Salazar, qui prend le pouvoir. Et a-t-il des idées dès cette époque-là de la façon dont son pays, qui va devenir donc le pays qui sera sous sa coupe pendant une quarantaine d'années, eh bien, doit réagir à cette question démographique des années 20 et des années 30, Victor Pereira. Salazar était en effet un professeur de finances publiques et il avait, dès les années 1910, jeune universitaire, écrit des textes sur la réforme de l'économie portugaise. Et au Portugal, le problème n'était pas tant la dénatalité, était plutôt le problème de l'immigration. Le fait que les gens partent vers le Brésil, 2 millions partent au Brésil de Portugais entre 1830 et 1930 environ, et cette immigration était vue comme le signe de la crise portugaise, incapable de suivre le mouvement de l'Europe centrale et occidentale, c'est-à-dire l'industrialisation. Et donc, ce qu'on cherche à faire et à comprendre, c'est comment garder cette population, éviter qu'elle ne parte. Et dès la fin du XIXe siècle, différents projets sont mis en avant pour mettre en avant une grande réforme agraire, parce que le Portugal est encore un pays très largement agricole, et éviter la grande division du Portugal en deux, qui est celle au nord du Tage, la petite exploitation familiale dans laquelle vivent des petits paysans propriétaires. Avec beaucoup d'enfants, Avec beaucoup d'enfants, très pieux, très catholiques, et un sud du pays. L'Alentejo en particulier. Exactement, avec le latifundium, avec une propriété des terres très polarisées entre des très très grands propriétaires et des travailleurs, des prolétaires agricoles qui à la fois sont très pauvres, qui sont peu nombreux et qui font très peu d'enfants. Et donc, grande idée, c'est de mettre les excédents du nord vers le sud. Ça, c'est la grande idée. C'est une idée, effectivement, de déplacement de population pour éteindre interne à ce pays. Mais ça veut dire qu'il y a une sorte de partition portugaise particulière. C'est ce que vous semblez dire, Victor Pereira, au milieu de tous ces pays européens des années 20 et des années 30, avec une préoccupation qui n'est pas exactement la même que celle d'autres pays européens. Ça n'est pas simplement la préoccupation nataliste qui touche, que la préoccupation de la fuite, pourrait-on dire, des Portugais en dehors de leurs propres frontières, Victor Pereira. C'est cela. C'est-à-dire que, avant le problème de la natalité qui est relativement conséquente au Portugal, et le Portugal jusque dans les années 1960 aura une des natalités les plus importantes en Europe, le problème c'est de conserver la population et d'exploiter le territoire. Il y a des mythes que Salazar va s'attacher à essayer de déconstruire sur les terres incultes ou toutes les propriétés qui ne sont pas exploitées. Et un de ses projets va être de faire travailler ses terres, ou de, du moins de montrer que cela est complètement faux. Mmh. Victor Massé de l'Épinay. Oui, Victor Pereira, ce qui est intéressant, c'est que on voit tout de même qu'au Portugal, Salazar et ses successeurs, on a l'impression qu'ils ont toujours eu un petit peu un temps de retard. Quand ils voulaient garder de la population, ils en perdaient. Mais quand même, au début, Salazar, pour lui, le problème démographique, c'était presque une peur d'être trop nombreux. Il y a des discours où il présente les 10 millions d'habitants comme une perspective un peu effrayante, en disant, bon, bah, ça arrive. Alors, ça va légitimer une politique, la politique, enfin, ou les, disons, les ambitions de réforme agraire, d'industrialisation. Mais en soi, l'augmentation de la population n'était pas forcément quelque chose de souhaitable au début pour Salazar. C'est vrai que si on compare les discours de Salazar sur la population et notamment le mythe d'un chiffre rond, il y a le célèbre 50 millions de Mussolini, Franco 60. Aussi avait donné 60, pardon, c'est en 1950. C'est le discours de l'ascension en 1927, c'est ça, pour Mussolini. Exactement, les 60 millions pour 1950 et non pas 50. Mmh. Franco aussi avait, je crois que c'était 40 qu'il avait émis. Salazar évoque les 9 et 10 millions d'habitants et c'est un chiffre qu'il craint. Et à plusieurs reprises, non pas dans ses discours, mais dans des propos plus privés avec des ambassadeurs, des hommes politiques étrangers, ce qu'il met le plus souvent en avant, c'est la surpopulation. Comment nourrir autant de Portugais ? Et là, effectivement, c'est en total décalage avec les discours qui existent tant dans l'Italie fasciste que dans l'Espagne franquiste. Donc on voit bien, déjà, on pose la question de façon un peu contrastée, pourrait-on dire, Paul-André Rosenthal. Chacun de ces pays, autoritaire, totalitaire, n'a pas la même réponse dès les années 20 et les années 30 à cette question démographique. Il n'y a pas une vision uniforme ou globale, comme on a pu le croire souvent par les discours que certains d'entre eux tenaient, justement vis-à-vis de cette question de la natalité, de l'exil, de l'émigration, etc. Oui, la question de la migration est particulièrement intéressante et particulièrement spectaculaire ici. Il y a un certain nombre de pays pour lesquels l'émigration est un problème. C'était le cas, par exemple, aussi dans des pays qu'on est habitué aujourd'hui à considérer comme riches, mais qui ne l'étaient pas à l'époque, comme la Suède au début du XXe siècle. La grande question sociale, c'est l'immigration de masse. Vous avez des pays pour lesquels, au contraire, l'émigration, c'est la solution. Donc, et puis, vous avez des pays qui changent. L'Italie est pro-émigration, c'est le premier pays d'émigration du monde, et elle est pro-émigration jusqu'en 1927. Le travail de Caroline Ducci, par exemple, voilà, sur ces absolument. Questions-là. Et brutalement, Mussolini change d'avis en 1927 et essaye, au contraire, de dire « Mais non, nous sommes autosuffisants. Le gage de la réussite de l'Italie, c'est que nous pouvons garder notre population. » Et donc, il change très brutalement de politique en 1927. Mais quelle place tiennent, justement, dans les décisions de ces différents États des années 20 et des années 30, la statistique, le travail des démographes qui travaillent justement sur la comptabilité, pourrait-on dire, de ces populations pour aider ou pas, d'ailleurs, leurs gouvernants à prendre des décisions, Paul-André Rosenthal. Alors, on est dans une période, mais qui a commencé en réalité bien avant, on peut dire en gros au milieu du 19e siècle en Europe, dans laquelle les chiffres produits par... Alors, attention, par les statisticiens, oui. Par les statisticiens d'État, les statisticiens municipaux également, qui jouent un rôle très important. Ces chiffres-là, effectivement, on ne peut pas dire qu'ils dictent on a longtemps pensé qu'ils dictaient le débat public. Je pense plutôt que ce qu'on devrait dire aujourd'hui, c'est qu'ils sont instrumentalisés par les forces en présence sur la définition de la meilleure politique démographique. Donc, ils jouent un rôle important, mais peut-être moins structurant que ce qu'on a pu penser pendant un temps. Victor Massé de l'Épinay. Oui, c'est ce que dit Paul-André Rosenthal est très vrai en URSS, Martine Mespoulet. L'obsession statistique, le travail des statisticiens qui était quelque chose de très complexe, on imagine, en URSS. Moi, j'ai une première question qui m'a obsédé un peu quand je lisais tous vos travaux. Comment on fait en URSS dans les années 20, ne serait-ce que pour recenser la population, pour savoir combien on est, techniquement, de quels instruments on dispose et quel crédit on peut donner aujourd'hui à ces chiffres, sachant que les statisticiens sont orientés peut-être, mais sachant aussi, et vous le dites, que les populations ne sont pas toujours très favorables au recensement. On se dit, les populations, paysannes ou autres, se méfient de l'État qui vient essayer d'avoir des renseignements sur eux. Il faut distinguer les années 20 et ensuite les années 30. Donc, dans les années 20, en fait, jusqu'en 1926, on a un travail statistique qui est fait par des statisticiens qui ont été formés sous l'ancien régime, hein, dans la période tsariste, qui sont très pointilleux, très rigoureux. Et quand on voit le recensement de 1920 qui a été fait en pleine guerre civile, les statisticiens allaient eux-mêmes enquêter dans les campagnes, allaient eux-mêmes compter dans des conditions matérielles très difficiles pour certains d'entre eux, avec par exemple pas de chaussures adaptées au froid de l'hiver, etc. Donc en fait, pour le recensement de 1920, on a une estimation, si vous voulez, qui est à peu près correcte, à ceci près qu'il manque quelques régions qui étaient encore très touchées par les combats entre les Russes blancs et les bolcheviques. Alors, le recensement de 1926 est complètement fiable, ça, tout le monde s'accorde là-dessus. Quand on regarde de très près tout ce qui reste dans les archives, il a été réalisé par les mêmes statisticiens qu'en 1920, dans des règles vraiment tout à fait conformes à ce que pouvait dicter l'Institut international de statistique. Alors, bon, c'est vrai que dans les campagnes, on les recevait plus ou moins bien, mais bon, pour ce qui est du comptage, ça n'a pas gêné. Si vous voulez, le problème de la réception par les paysans vis-à-vis des enquêteurs, ça concernait plutôt des questions sur les exploitations agricoles, etc. Vous voyez. Mais pour la population, on estime que le recensement de 1926 est fiable. Donc, ça va changer, j'imagine, au fur et à mesure des années. Alors justement, bon, c'est ça le problème, c'est que donc on arrive à la fin des années 1920 avec un problème de natalité très évident. Alors si vous voulez, il y a la désorganisation liée aux premières années de mise en place du gouvernement bolchevique d'un projet de société communiste. Il y a aussi les effets de la guerre civile, hein, qui quand même continue jusqu'au début de 1922 dans certains coins. Il y a aussi les effets de la famine de 1921-1922 qui ont été très importants dans certaines régions. Il y a aussi tous les effets liés à la fin des années 1920, au début de la collectivisation et de la découlakisation, avec déportation des paysans riches, notamment en Sibérie. Donc, si vous voulez, en fait, on est dans un pays qui a, de fait, qui n'arrête pas de compter à la fois les morts et les déplacements de population. Là, je rejoins Victor Pereira dans le sens où, en URSS comme au Portugal, l'obsession démographique, elle a deux volets. C'est le nombre, mais contrairement à Salazar, en URSS, on veut une puissance qui repose sur une population nombreuse. Mmh. Et il y a aussi la gestion, la régulation des flux de population. Interne. Et ça apparaît dès la fin des années 1920. Et évidemment, c'est complexifié, j'imagine, par les volontés réformistes, révolutionnaires, pourrait-on dire, de la façon, de la place, par exemple, des femmes dans la société soviétique naissante, qui, avec une sorte d'imagination particulière de, justement, la natalité, de la façon dont ces femmes doivent se comporter, dont elles doivent assumer peut-être parfois à la fois les tâches ménagères internes à leur foyer, mais également un travail extérieur, ce qui rend particulier, là aussi, le cas soviétique par rapport à d'autres cas des années 20 et des années 30. Oui, tout à fait, parce que les années 20 sont marquées, en fait, par un essai d'expérimentation sociale, on peut dire, autour de la famille et du statut de la femme. Alexandra Kollontai, bon, dont les travaux sont bien connus, était responsable du département des femmes du parti et donc essayait de promouvoir toutes les mesures qui pouvaient contribuer à libérer les femmes du travail domestique et à les faire, si vous voulez, à leur permettre d'être actives dans la sphère publique, dans la sphère du travail. Bon, mais le problème de fond, c'est que cela s'est traduit par une très forte désorganisation dans les familles et les femmes elles-mêmes, les militantes de base du parti, à la fin des années 20, demandent un retour à plus de tranquillité, on peut dire, de la vie quotidienne et un retour à plus d'ordre familial. Et donc on invente cette formule, je crois, que j'ai lue sous d'autres plumes, famille socialiste forte, c'est ça, dans les Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui va amener la politique stalinienne. Alors, pour le coup, on aura une vraie politique nataliste promue par Staline en 1936 autour de la notion effectivement de famille socialiste. Enfin, la famille doit rester... Interdiction de l'avortement à partir de 1936. Voilà, donc la famille doit être la cellule de base de construction du socialisme. On restaure ce discours-là et donc tout ce qui pourrait contribuer à désorganiser la famille doit être éloigné. Donc effectivement, en 1936, c'est l'interdiction de l'avortement pour permettre à la fécondité de remonter. C'est aussi un durcissement des conditions d'obtention du divorce. On n'est plus du tout dans le divorce à la carte comme en 1920, par exemple. C'est un durcissement du texte sur les pensions alimentaires. Mmh. C'est-à-dire, si vous voulez, en fait, il y a deux grandes directions. Pousser le couple à rester stable. Faire en sorte, si vous voulez, que le couple reste stable en dépit de tout, et puis promouvoir autant que possible une augmentation de la fécondité. Victor Massé. Parce que là, on est dans un discours du nombre vraiment. Mmh. Hein. Pour Staline, ce qui est important, c'est la puissance par le nombre. Oui, et donc Staline va évidemment écarter aussi les chiffres qui ne lui plaisent pas, et en particulier, il y a eu un recensement, je crois, en 1937. Et les chiffres étant ce qu'ils sont, et la population n'augmentant pas, il va y avoir dans une purge tous les statisticiens qui avaient fait ce travail qui vont partir au goulag, et de nouveaux chiffres mis en avant. Est-ce qu'à partir de là, les chiffres nous disent encore quelque chose de... Qu'est-ce qu'ils nous disent, les chiffres? Comment est-ce que... Martine Mespoulet. Donc, si vous voulez, il y a eu un très gros conflit en 1937, effectivement, entre Staline lui-même et les responsables de la statistique, notamment démographique. Mais ça, il faut d'abord préciser que ce conflit arrive après plusieurs années de débats très vifs, hein, entre les statisticiens et le pouvoir. En fait, c'est dès la fin des années 1920 que les statisticiens pointent les problèmes démographiques et la chute des naissances et les risques de dépopulation. Mais ce n'était pas entendu par Staline, qui voulait, lui, bâtir envers et contre tout une puissance par le nombre de la population. Donc en fait, si vous voulez, ce qui se passe avec l'annonce des chiffres du recensement qui se trouve plus bas que ceux que Staline lui-même avait annoncé dès 1934 dans un discours au Congrès. Staline, statisticien en chef de la démographie. Voilà, bon, en fait, il s'était basé sur des projections du Gosplan, mais les projections du Gosplan était fausse. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Alors, en fait, donc, pour répondre à votre question, les chiffres des statisticiens étaient fiables. La preuve, ils en sont morts. Pour la moitié des responsables du recensement de 1937 sont morts. Hein. Soit après avoir été fusillés, soit après avoir été déportés, ils sont morts de faim. Bon, voilà. Hein. Donc la moitié, hein, c'est énorme. Hein. Et aussi bien à Moscou que dans les régions. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut bien voir. Dans les directions régionales de la statistique ont été aussi décimées. Donc en 1939, on a effectivement un nouveau recensement qui a été mené. Les chiffres des statisticiens restent fiables. Alors après, je rejoins la remarque qui a été faite tout à l'heure sur l'instrument par Paul-André Rosenthal, sur l'instrumentalisation qui est peut-être faite des chiffres. Hein, on peut donner certains chiffres, ne pas donner d'autres chiffres. Mmh. Et ça, si vous voulez, c'est l'utilisation par le pouvoir des chiffres élaborés par les statisticiens. Paul-André Rosenthal, on peut dire tout de même, puisqu'on est en train de distinguer effectivement tous ces cas dans une Europe des années 20 et 30, on peut dire qu'effectivement, il faut aussi distinguer dans le temps, puisque ce qu'on comprend bien en écoutant Martine Mespoulet ou encore Victor Pereira, c'est qu'en fait, ça n'est pas la même chose au début des régimes, au milieu des régimes ou à la fin des régimes, quand ils durent 40 ou 60 ou 70 ans, en l'occurrence. Oui, je voulais juste auparavant, mais c'est lié à votre question, dire une chose sur ce qu'a présenté Martine Mespoulet. Le recensement et les agents, les statisticiens du recensement, dans beaucoup de pays, sont mus par un idéal d'objectivité. Et au fond, le cas soviétique est absolument exemplaire parce qu'il exacerbe des situations de tension avec le pouvoir politique. Ouais. Évidemment, c'est un cas extrême, mais qui est assez général sous des formes plus douces. Morgan Labbé l'a montré dans le cas de la Prusse, par exemple. Il y a plusieurs usages du recensement face à des statisticiens qui essayent souvent de conserver un idéal d'objectivité. Scientificité. Ce qui est très important, d'abord pour garantir que les habitants répondent au recensement, parce qu'en permanence, il y a cette hantise que vous avez signalée. Mmh. Et puis, c'est très important pour une autre raison. Il y a une question de l'autonomie et de l'autonomie de la science, de l'autonomie des chiffres sur un point très important. Si vous truquez les chiffres de production de tracteurs en Union soviétique une année donnée, à la limite, c'est pas très grave. L'année suivante, vous pouvez également les truquer. En démographie, la démographie, ça n'est pas la statistique, contrairement à ce qu'on pense. La démographie, c'est quelque chose qui est cumulatif. Si vous truquez une année, eh bien, vous orientez les flux, la perception des flux sur plusieurs années, et vous êtes obligé de dévier de plus en plus. Donc il y a des contraintes spécifiques. D'où cette question que vous posez. La question que vous posez, elle se pose à la fois, elle est très importante d'un point de vue politique, parce qu'elle permet de caractériser l'évolution politique des différents régimes, effectivement, surtout sur une longue durée. Mais elle se pose également d'un point de vue statistique, d'un point de vue scientifique. La démographie est plus difficile à contrôler qu'on... Victor Pereira, vous êtes avec nous depuis les studios de Radio France à Pau. Vous êtes spécialiste de la question salazariste et de la dictature de Salazar face à l'émigration. C'est le titre du livre que vous avez publié il y a quelques années aux presses de Sciences Po. Et vous insistez, vous aussi, sur cette distance entre les usages que l'on peut faire de la statistique ou de la démographie par les pouvoirs et la volonté des pouvoirs d'imposer une certaine vision. Et c'est le cas, par exemple, dites-vous, à la toute fin du régime post-salazariste en 1972, avec un discours du président de la République qui met en cause le recensement de 1970, dites-vous, puisqu'il ne correspond pas aux vœux qu'il pouvait avoir. Et au bout du compte, cela inclut une discussion interne même au cercle du pouvoir avec un ministre qui n'est pas d'accord, qui défend les statisticiens de l'Institut National de la Statistique donc au Portugal, contre le président de la République, Victor Pereira. En 1972, effectivement, le président de la République, qui était au Portugal une potiche quelque part, c'est-à-dire qu'il était Salazar, il avait été Premier ministre, il avait un président de la République au-dessus de lui, qui pouvait normalement pouvoir le démettre, et Salazar avait toujours pris soin, surtout vers la fin du régime, de prendre des personnes peu charismatique, qui ne risquerait pas de le faire partir du pouvoir. Et ce président, 72, fait un discours le jour de l'an, un discours souvent emphatique. Les Portugais, une partie de l'opposition, se moquaient beaucoup de ce président et de son verbe truculent. Critique le recensement, critique les méthodes de ceux qui ont opéré le recensement. Et les données de ce recensement vont pas être publiées. Pourquoi ? Parce qu'entre 1960 et 70, la population portugaise baisse. Ah oui, elle avait beaucoup augmenté tout au long du XXe siècle, et là, elle baisse. Elle baisse de environ 300 000 personnes, mais elle baisse. Alors que certaines décennies, elle avait augmenté d'un million de personnes. Et donc, ce que dit le président, c'est que les statisticiens ont voulu trop faire de choses. Ont voulu demander combien les gens avaient de voitures, comment était leur maison, etc., etc. Et donc il critique ce travail, et chez ce président qui était de l'aile de l'extrême droite du régime, c'est aussi une critique comme une partie de hauts fonctionnaires du régime qui, depuis les années 50-60, une partie d'entre eux viennent des milieux catholiques, mais catholiques progressistes, qui ont fait un usage des statistiques pour critiquer le régime et les inégalités sociales. Notamment, une des grandes précautions qu'avait le régime, c'était vis-à-vis de toutes les statistiques sur les maladies, sur la mortalité. Sur la mortalité infantile, qui était très élevée au Portugal, et qui, on essayait de pas les rendre publics ou de pas les présenter dans des forums internationaux, parce que cela montrait ce que le Portugal était, c'était un pays pauvre, retardé, avec très peu d'investissement dans la santé, dans l'éducation. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Notre réalisateur Renaud Dalmarc est arrivé trempé ce matin, pensait qu'il était de bonne aloi de programmer dans cette émission After the Rain, de morceau de John Coltrane, joué par Chico Freeman. Victor Massel-Lépiné, nous continuons notre débat dans cette semaine consacrée aux dictatures sur la question de la relation entre la démographie et la dictature et les dictatures du XXe siècle. Oui, Paul-André Rosenthal, dans toutes les dictatures qu'on évoque, que ce soit la dictature soviétique, le Portugal, sans doute aussi la France de Vichy, il y a une conception un peu biologiste ou biologisante de la population. Un corps vivant dont la vigueur serait démontrée par l'accroissement, par la forte natalité, etc. On va voir dans la deuxième partie de l'émission que sans doute les populations elles-mêmes, à l'époque, ont parfois invalidé cette idée que l'État pouvait comme ça décider de l'augmentation de sa population. Et pourtant, il y a quelque chose qui est resté de cette idée dans les travaux des historiens pendant assez longtemps, et peut-être même dans l'inconscient collectif jusqu'à aujourd'hui, que finalement une population était un corps vivant et qu'une décision politique ou un ensemble de décisions politiques pouvait influencer comme ça considérablement et effectivement son évolution. Oui, c'est effectivement une question centrale. On peut dire qu'en gros, depuis qu'existe une histoire des politiques démographiques, c'est-à-dire à peu près depuis une trentaine d'années, au début, lorsque cette histoire s'est constituée, donc dans les années 80, elle s'est constituée, au fond, en faisant comme si la démographie était presque par nature liée à une démarche dictatoriale de la part de l'État. Mmh. Dictatoriale efficace. Oui, c'est ça. Et surtout, en insistant sur l'efficacité. Sur l'efficacité. D'ailleurs, en se penchant sur les aspects les plus sombres et les plus criminels de ces politiques. Hein, toutes les politiques d'élimination, malheureusement. Eugéniste en particulier. Voilà, eugéniste, élimination de population. Ethnique aussi, hein, puisqu'on parlait de l'entre-deux-guerres. La question des minorités dans les nouveaux pays créés en Europe centrale et orientale était centrale. Bon. Malheureusement, les politiques d'élimination, elles marchent bien. Ce qui est plus compliqué sont les politiques qui correspondent de promotion, par exemple, de la natalité, voilà, ou des choses comme ça. Justement, ce qu'on appelle les comportements vitaux au XIXe siècle. La fécondité, la nuptialité également, qui est très liée. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et on peut dire quand même que la pensée de Michel Foucault, la question du biopouvoir, était aussi liée à cette promotion de l'idée que les États, quels qu'ils soient, États démocratiques ou États dictatoriaux, avaient une influence réelle sur les comportements démographiques. Alors, la pensée d'un Michel Foucault. Et là, c'est-à-dire celui de la période de surveiller et punir, donc 1977, si je me rappelle bien, contre laquelle Foucault lui-même a été très rapide à réagir et à infléchir sa position pour arriver vers quelque chose, au contraire, de beaucoup plus souple. Les historiens n'ont pas totalement suivi. Enfin, ils ont suivi, mais avec beaucoup plus de retard. Or, la question est assez importante parce que, au fond, la question posée, c'est celle de la frontière entre dictature et démocratie, puisqu'on parle aujourd'hui de la démocratie. Jusqu'où va la dictature? Est-ce qu'il y a une différence de nature avec la démocratie? C'est une question qui s'est posée dans l'histoire de la philosophie politique autour de 1980, dans les mouvements antitotalitaires. C'est une question qui, d'une certaine manière, se repose aujourd'hui grâce à l'histoire de la population. Mais j'ai tendance à dire que dans le cas de l'histoire de la population, elle est plus complexe. Elle est plus complexe parce que elle fait appel à la question du comportement des personnes et des populations, et ça c'est toujours quelque chose de compliqué, mais aussi et de leur liberté à suivre ou de pas suivre les consignes qui leur sont données. Absolument. Et puis également, elle est plus complexe parce que les outils sont les mêmes. Les outils d'une politique démographique, d'une dictature, d'un régime autoritaire, d'un régime populiste ou d'un régime qui serait très démocratique, libéral dans le sens politique du terme, sont les mêmes. Du coup, il est tentant, dans une démarche un petit peu naïve, de dire tout ça c'est la même chose, tout ça c'est du contrôle. Et là, les choses sont plus complexes. Mais comment vous expliquez quand même que pendant de nombreuses années, on a été dupe de cette situation? Prenons par exemple le cas de l'Espagne de Franco, qui a eu une politique nataliste vraiment très très forte, interdiction du divorce, interdiction de l'avortement, interdiction de la contraception, etc. Et pourtant, discours sur la race espagnole. Et pourtant, la population et le nombre de familles nombreuses chutent terriblement et continuellement entre 40 et 60. Donc on voit que la population ne suit pas, et qu'on a beau faire l'Église et l'État s'unissent pour faire quelque chose, mais ça marche pas. Même chose pour le régime de Vichy, certes beaucoup plus bref que la dictature franquiste, mais c'est vrai que ça n'a pas forcément extrêmement fonctionné. Le problème, c'est qu'il y a un raccord qui ne s'est pas fait tout de suite dans les années 80. C'est en gros, il y avait deux familles d'historiens qui se penchaient sur la question, des historiens démographes proprement dit qui mesuraient les comportements, et qui étaient encore prisonniers de cette approche biologique qui s'est constituée dans les années 20. Hein, se représenter la population comme une entité biologique, ça date des débats scientifiques des années 20. C'est la base de la démographie à l'époque. Et les démographes historiens sont restés prisonniers de cette vision jusqu'à peu près aux années 80. Et puis de l'autre côté, vous aviez des historiens du politique qui travaillaient dans une perspective donc à l'époque foucauldienne, c'est-à-dire du point de vue des représentations de l'État, de l'imaginaire de l'État, des discours de l'État, un petit peu des politiques de l'État. Et le raccord entre les deux a mis un peu de temps à se faire. Mmh. Et depuis qu'on fait le raccord, c'est en gros depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, là, effectivement, on se rend compte que ça marche pas. Ça marche pas très bien. Et là, c'est d'ailleurs le numéro des annales de démographie historique de l'année dernière, dirigé par Isidro Dubert, je crois, qui dit démographie et dictature, c'est plus qu'un enjeu, c'est un problème, dit-il. Voilà, c'est-à-dire que c'est un numéro extrêmement intéressant parce qu'il essaye d'aller très loin dans les capacités de résistance, d'appropriation. On l'appelle l'agency dans le langage, en particulier des universités américaines et anglo-saxonnes. Donc la capacité des individus à résister aux consignes qui leur sont données. Résister, à détourner, voilà. Je vais prendre un exemple concret pour poser le problème. Dans la deuxième moitié, dans les années 50, 60, 70, se développent à l'échelle mondiale des politiques de diminution de la fécondité. Toujours pareil, tout ce qui est élimination, c'est toujours un peu plus simple. Bon. En Inde, qu'est-ce que vous faites en Inde? Vous avez des primes quand vous faites stériliser. Que font les ménages indiens? Ils attendent d'être sortis de l'âge de fécondité, ils attendent d'avoir constitué la descendance qu'ils souhaitent, et ensuite ils vont se faire stériliser pour toucher la prime. Et puis quand le gouvernement indien commence à vouloir être trop fort, au milieu des années 70, il y a des campagnes extrêmement violentes de stérilisation, eh bien, il y a des élections, et le gouvernement d'Indira Gandhi, au milieu des années 70, chute pour partie à cause de ça. En Chine, comment vous faites face à la politique de réduction de la fécondité? Vous n'avez pas grand-chose à faire. Ce que vous faites, c'est vous abandonnez le deuxième, le troisième enfant dans les rizières. On a des cas comme ça. Donc ça, je crois que ça illustre vraiment tout le problème. La question, c'est quelles sont les capacités possibles pour faire des recours, pour s'opposer, pour résister. Mmh. Et ça, ça n'est pas universel. Et ça, ça gradue entre des formes démocratiques, des formes totalitaires et puis des formes intermédiaires très complexes. Victor Pereira, vous avez travaillé sur le cas portugais, par exemple, et on voit bien que dans ce cas portugais, bah, par exemple, ce qu'on a appelé parfois le vote par les pieds, la capacité de sortir du pays illégalement alors que justement l'émigration est interdite, eh bien, ont été des façons de répondre aux injonctions diverses et variées pendant les 40 et quelques années de la dictature salazariste. Donc, pour répondre à ces injonctions, ou la volonté d'aller, par exemple, peupler les colonies du Mozambique et de l'Angola, alors que la plupart des Portugais qui fuient le pays ne vont pas justement au Mozambique ou en Angola, mais vont plutôt, par exemple, s'installer en France dans les années 60 et 70, Victor Pereira. Dans les années 30, quand Salazar expose le problème de la surpopulation qui peut poindre, les deux solutions qu'il donne, c'est d'une part d'augmenter l'industrialisation, le Portugal étant un pays très majoritairement agricole, et d'autre part, d'envoyer les Portugais excédentaires, comme on les appelait parfois, vers les colonies, donc surtout vers l'Angola et le Mozambique. Et ça, c'était un vieux projet qui datait depuis 1822, depuis l'indépendance du Brésil, qui était de transformer l'Angola et le Mozambique dans de nouveaux Brésils, des pays riches, des pays qui deviendraient prospères, où les Portugais cesseraient d'aller au Brésil et partiraient en Angola ou au Mozambique. Et quand il dit ça dans les années 1930, c'est un projet vieux d'un siècle qui n'a pas fonctionné. Et jusqu'au 25 avril 1974, le discours officiel sera d'encourager les Portugais en Angola ou au Mozambique. En Outre-mer, comme on dit à l'époque. Exactement. Et à partir de 1961, il y a des guerres coloniales, d'abord en Angola, puis dans les autres colonies. Et en dépit de ce discours, on incite les Portugais à partir. Or, dans les années 61-74, c'est à ce moment-là que l'immigration vers la France, où il y avait relativement peu de tradition migratoire vers la France, les Portugais surtout vers le Brésil, commence. Et non seulement elle va contre le discours impérial, mais d'autre part, elle va contre les règlements, les lois, les pratiques de l'État portugais qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, avait essayé d'empêcher les départs vers l'Europe. Donc c'est une émigration clandestine. Exactement. Les gens doivent quitter le Portugal avec des passeurs, traverser en partie l'Espagne jusqu'en 65 avec des passeurs et rentrer en France clandestinement par les Pyrénées ou en traversant la Bidassoa du côté d'Hendaye. Et donc, c'est une migration triplement clandestine puisqu'il y a deux frontières et trois pays qui sont traversés clandestinement. Et ce, alors que au Portugal, tous les discours dans la presse, qui est bien sûr censurée et manipulée par le pouvoir, présentent la France comme l'enfer sur Terre, avec les bidonvilles, le Champigny, etc. Et répètent sans cesse, soit dans la presse, mais beaucoup de Portugais étant analphabètes, ne lisaient pas la presse, mais notamment le rôle des curés dans les villages était d'inciter les Portugais à ne pas partir et leur rappeler les horreurs qu'ils trouveraient très probablement en France. Mmh. Victor Massé de l'Épinay. Oui, Martine Mespoulet, j'allais vous poser la question pour l'URSS. Comment est-ce que ça s'est passé? On a vu que Staline essayait de régenter la statistique. Il y a eu aussi des efforts des incitations natalistes pour la population de l'URSS. Est-ce que la population russe avait cette capacité d'action, cette capacité de réaction, peut-être, l'agency dont on a parlé? Et est-ce qu'elle a suivi les recommandations et les injonctions de l'État? Alors bon, il y a une constante dans la période soviétique à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est que toutes les mesures natalistes qui ont pu être mises en place, à forte dose ou à moins forte dose, et même maintenant sous Poutine, n'ont pas donné d'effet. Il peut y avoir une remontée de la fécondité pendant 3 ans, 4 ans, pour des raisons d'opportunité, mais après on retombe à un niveau bas. La fécondité a baissé fortement en URSS à partir du milieu des années 1960. Comme dans d'autres pays, mais de l'Europe de l'Ouest, et est restée basse jusqu'à 1991, et y compris sous Poutine. En fait, on a l'habitude d'analyser cela comme une forme aussi de résistance, finalement, de la sphère privée par rapport aux injonctions de l'État. Finalement, qu'est-ce qui reste dans un État autoritaire aux individus comme marge d'autonomie, comme espace d'autonomie? C'est l'espace privé. Donc bon, ça peut être une interprétation. Il y a aussi quelque chose à prendre en compte de très simple, c'est les conditions matérielles. Toute la période soviétique quand même est marquée par une économie de pénurie, difficulté d'obtention de logement, conditions matérielles, même alimentaires, basses. Et puis la place de ces femmes dont vous dites, on leur demande non pas la double journée mais la triple journée comme on demande généralement en Europe occidentale. Il faut qu'elle travaille, parce que ça fait partie de cette image que l'URSS veut donner d'elle-même, l'égalité entre hommes et femmes. Il faut qu'elle éduque les enfants, il faut qu'elle organise la vie quotidienne. Oui, et c'est là que les conditions matérielles entrent en ligne de compte. C'est qu'en fait, dans une économie de pénurie, on passe beaucoup de temps à faire les queues, par exemple, pour s'approvisionner. Et qui fait les queues? Les femmes. Et dans une économie de pénurie, on a du mal à installer les crèches qui seraient nécessaires justement pour pouvoir libérer les femmes de certaines des tâches qui sont les leurs. Tout à fait. C'est là qu'on voit la distance entre le discours et la réalité qui est constante dans toute la période soviétique. C'est qu'en fait, les services sociaux, les crèches, qui étaient promus dans les discours politiques, ne sont pas au rendez-vous. Il y a eu bien évidemment des constructions de crèches, de jardins d'enfants, mais pas en nombre suffisant par rapport aux besoins que pouvaient avoir les femmes qui travaillaient. Donc en fait, on est dans une situation où les femmes se trouvent en tension permanente entre effectivement la gestion du temps au travail, la gestion du temps pour le parti. Quand vous interrogez des femmes de cette période-là, elles vous disent que bien souvent les réunions duraient jusqu'à minuit. Mmh. Et la gestion du temps pour la sphère privée, y compris et surtout pour l'approvisionnement, pour que la vie quotidienne puisse être assumée dans la famille. Mais vous disiez, j'ai noté donc que Vladimir Poutine n'était pas absent de cette discussion récemment avec vous. On peut dire cela parce que je l'ai appris juste avant l'émission. Vous me l'avez dit qu'effectivement, il a mis en place une politique nationaliste, mettons, russe et nataliste, lui aussi récemment, parce qu'il considère qu'il y a un danger pour la Russie, justement, étant donné la crise démographique qui semble vivre le pays. Tout à fait. Bon, si vous voulez, aujourd'hui, l'obsession de Poutine, elle est à la fois nationaliste et démographique, mais les deux sont liés. On ne peut pas avoir de grande nation sans une population nombreuse. Et il est confronté à une très forte chute de l'effectif, du nombre de la population depuis les années 1990. Donc en 2006, il a promis une politique nataliste qui ferait beaucoup d'envieux en Occident. Je vais vous donner les chiffres. Pour la naissance d'un deuxième enfant, il y a une prime de maternité de 17 350 euros. Non. Ces 17 350 euros, je dis bien, doivent être placés sur un fonds de capitalisation pendant 3 ans et peuvent être débloqués au bout de 3 ans pour des choses très précises, notamment l'éducation des enfants, par exemple. Enfin, l'éducation du deuxième enfant. Mmh. Pour un troisième enfant, la prime est de 18 825 euros et dans les mêmes conditions sur un fonds de capitalisation pendant 3 ans. Eh bien, malgré cette politique très incitative financièrement, là-dessus, il faut voir le niveau de vie en Russie. N'est pas le même que le nôtre, ce sont des sommes très importantes. Et bien, malgré cela, la fécondité a connu une légère remontée pendant 3 ans et aujourd'hui est à un niveau très stable. Vous voyez, donc en fait, il y a eu des naissances qui étaient sûrement programmées, mais à une échéance plus ou moins précise, qui ont été avancées. Et voilà. Donc en fait, c'est cette capacité, ce qu'on appelle la Gen Z dont on parlait tout à l'heure, cette capacité des gens à jouer avec les consignes, à jouer avec les injonctions et à tirer profit au maximum des demandes qui sont faites ou à, au contraire les repousser le plus loin possible pour ne pas les suivre, en l'occurrence Martine Mespoulet. Tout à fait. Et là, une fois de plus, il faut souligner l'espace d'autonomie qui reste aux citoyens face à l'État. S'il y a un espace qui reste, c'est celui qui est au sein de la famille et de ce qu'on peut y programmer, notamment les naissances. Victor Massel-Lépiné. Paul-André Rosenthal, tout ce qu'on entend là, finalement, nous laisse penser que, j'allais dire, effectivement, la population est un corps biologique qui répond à des lois biologiques qui ne sont pas les lois du politique et que finalement une population augmente ou diminue et que les gouvernements, dictatoriaux ou pas, n'y peuvent pas grand-chose. Alors, donc ça, c'est vraiment la représentation qu'a eu la science démographique pendant un temps, donc à partir des années 20, encore une fois. Bon, évidemment, aujourd'hui, on a une conception beaucoup plus complexe qui met beaucoup plus l'accent sur les contraintes qui pèsent sur les ménages, sur leurs intentions. La notion de projet familial, par exemple, c'est vraiment typiquement une notion qui s'élabore dans les dernières décennies du XXe siècle et qui, justement, réagit à cette conception biologisante. Mécaniste, plus ou moins. On appuie sur un bouton et ça donne un effet. Oui. Alors, il faut, si on se replace dans l'esprit de l'époque des années 20, il faut quand même comprendre une chose, c'est que, en gros, pour simplifier, jusqu'au 19e siècle, l'idée d'agir sur la population, c'est une idée globale. On agit sur la population en s'enrichissant, en accroissant les ressources économiques, on augmente la possibilité de la viabilité au fond des couples. L'idée selon laquelle on peut agir sur les naissances, elle est relativement récente. Elle date de la fin du 19e siècle. Seulement à la fin du 19e siècle, on commence à voir les ménages commencer à pratiquer des formes de régulation des naissances très complexes. Donc, c'est ça qui a justifié, entre guillemets, la biologisation dans les années 20. C'est de comprendre que il y avait quelque chose qui était la fécondité qu'on ne connaissait pas avant. L'idée d'un contrôle sur la fécondité. C'est ça qui a été posé d'abord en termes biologiques. Et c'est un peu le paradoxe. La biologisation a eu lieu dans les années 20, au moment de la montée des totalitarismes, des nationalismes. L'intensité extrême du politique et l'intensité extrême du biologique sont nées au même moment. Et la confrontation entre les deux a produit des effets assez explosifs. Oui, mais tout compte fait, ces pays qui avaient des problèmes ou qui pensaient avoir des problèmes démographiques, comme l'Espagne de Franco ou d'autres pays comme l'Union soviétique, auraient pu résoudre les problèmes d'une façon relativement simple, par l'immigration, par exemple. Sauf que une partie de leur corpus idéologique les empêchait de pratiquer cette immigration massive qui pouvait répondre, comme ça avait été le cas pour la croissance des États-Unis à la fin du 19e siècle, qui pouvait répondre à des questions effectivement de croissance économique et de croissance démographique. Est-ce que ça pouvait marcher ou est-ce que ça pouvait pas marcher? Est-ce qu'ils étaient empêchés d'une certaine façon? Quand on défend le discours sur la race espagnole, comment peut-on faire pour pouvoir justement combattre une démographie en déclin, par exemple, pour le franquisme de la dernière période ou la même chose pour la France de Vichy, par exemple. Oui, alors, Il est certain, c'est là où on retrouve cette conflagration de l'entre-deux-guerres entre l'idée de la nation et les conceptions démographiques de l'époque. Encore une fois, jusqu'au 19e siècle, on raisonne sur une population globale. L'immigration est vue comme un plus. Oui. Sous réserve que, quand même, sous condition que les migrants qui arrivent soient effectivement productifs économiquement. Mais sous cette réserve-là, l'immigration est vue, on raisonne globalement sur la population. Quand on commence à autonomiser la fécondité, on commence à autonomiser, je veux dire, les bébés, et ça se passe au moment de la montée des nationalismes, donc c'est les bébés nationaux, effectivement. Après, l'immigration, ça pose deux autres problèmes. D'abord, c'est que ça n'est pas une solution possible pour tous les États, y compris même Vichy a fait venir, par exemple, des travailleurs ukrainiens pour les mines, enfin, a essayé de le faire. Pendant la guerre, c'est parti en compliqué. Donc, il y a des périodes dans lesquelles on ne peut pas. Certains pays ne sont pas très attractifs. Et puis, vous avez l'action de la colonie. C'est-à-dire que une des choses qui différencie les pays, si on se recentre sur cette période de l'entre-deux-guerres, je l'ai dit tout à l'heure, les minorités nationales. Hein, on n'a pas forcément la même politique démographique pour les différentes minorités que l'on entretient. Il y a les désirables et les indésirables. Et puis, il y a la question de l'immigration coloniale. Certains pays peuvent s'appuyer dessus, d'autres pas. Et puis, comme le montre Victor Perrara, c'est la même chose pour l'immigration. Victor Perrara montre très bien comment, pour les Portugais, l'émigration vers le Brésil est souhaitable. L'émigration vers les autres pays est moins encouragée. L'émigration pour peupler les colonies portugaises comme l'Angola, ça, c'est excellent. Donc, il y a aussi l'idée de doser les flux. Et de ce point de vue-là, la question des déplacements géographiques de population est également une question qui est absolument centrale dans les premières décennies du XXe siècle. Et là encore, on voit comment, à quel type de politique négative ça a pu mener. Victor Pereira, un dernier mot avant que nous terminions cette émission, justement, sur la particularité portugaise sur laquelle vous travaillez. Effectivement, comme vient de le dire Paul-André Rosenthal, dans le cas portugais, ce qui est très étonnant, c'est que l'immigration est parfois vue comme une solution, surtout quand elle se dirige vers le Brésil et vers les colonies, mais quand elle s'est dirigée vers la France, elle était construite comme un problème. Et à la même époque, et notamment ça rejoint les débats sur les statistiques, au Portugal, notamment les statistiques sur les marchés de l'emploi étaient quasiment inexistantes. Alors que nous sommes, tous les mois, nous attendons le chiffre du chômage. À l'époque, il n'y avait pas de chiffre sur le chômage. Personne n'était capable de dire s'il y avait du chômage, du plein emploi au Portugal, c'était impossible. Et à la même époque, il y avait deux discours qui coexistaient. Un qui était de dire, il n'y a plus personne au Portugal, tout le monde est parti. Il y a des manques de travailleurs, ce que disaient les propriétaires agricoles, les petits industriels qui voulaient empêcher l'immigration. Et d'un autre côté, des hauts fonctionnaires qui ont fait des études d'économie, qui ont lu Keynes, etc., disaient... Au contraire, il y a une surpopulation et les départs sont tout à fait souhaitables parce qu'ils permettent de libérer les excédents, de permettre la modernisation de l'économie. Et donc, sans statistiques, deux discours complètement antithétiques étaient possibles. Et deux visions de l'immigration étaient possibles. Merci beaucoup, Victor Pereira. Je remercie également les studios de Radio France à Pau qui vous ont accueilli. Vous êtes l'auteur de La dictature de Salazar face à l'immigration, l'État portugais et ses migrants en France, 1957-1974, aux presses de Sciences Po. Martine Mespoulet, merci également aux studios de Radio France à Nantes qui vous ont accueilli. Vous êtes auteur, entre autres, du Construire le socialisme par les chiffres, enquête et recensement en URSS de 1917 à 1991. Aux éditions de l'Institut National d'Études Démographiques. Et Paul-André Rosenthal, vous viendrez très bientôt dans la Fabrique de l'Histoire pour parler d'un livre qui paraît le 21 janvier 2016, au cœur duquel est un Alsacien sur lequel vous avez travaillé. Ça s'appelle « Destin au pluriel de l'eugénisme » et c'est publié aux éditions du Seuil au 21 janvier. On en parlera d'ici peu avec vous. Merci Victor Massé de Lépinay d'avoir accompagné cette émission ce matin. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Bolivier, Aurélie Marcet, Alexandre Dang était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.